Vous écoutez France Culture. Les lundis l'histoire, Michel Perrault, bonjour. Bonjour. Jaurès et la guerre. Tel est le thème de notre émission d'aujourd'hui avec Gilles Gandard, professeur en classe préparatoire au lycée Montesquieu du Mans et auteur avec Vincent Duclair d'une biographie de Jean Jaurès qui vient de paraître chez Fayard. Avec Jacqueline Lalouette, professeur émérite à l'université de Lille et auteur d'un Jean Jaurès, L'assassinat, la gloire, le souvenir, qui vient de paraître chez Perrin. Et avec Marie-Claire Aubdemarle, qui a bien voulu se joindre à nous, pour la biographie qu'elle vient de publier sur Bertha von Suttner, 1843-1914, Amazone de la paix. Et c'est une biographie qui vient de paraître aux éditions du Septentrion à Lille. Et Marie-Claire Aubdemarle est professeure émérite de l'université Paris 7 Jussieu. Mais avant d'entrer dans le dédale de cette émission, nous sommes avec Jean-Pierre Leroux, qui a bien lui aussi voulu venir, et nous en sommes toujours très heureux. Eh bien, vous me permettrez de rendre hommage à Maurice Agulon. Maurice Agulon est mort le 28 mai. C'était un collègue, un ami et un grand historien. Un de ces jours, nous allons lui rendre un hommage plus important, mais je voulais simplement aujourd'hui saluer sa mémoire. Et Jacqueline Lalouette, vous qui avez été, si j'ose dire, enfin son élève, pouvez-vous nous dire quelques mots de lui ? L'apport de Maurice Agulon a été fondamental pour l'histoire politique qu'il a profondément renouvelée en la connectant avec l'histoire de la sociabilité. Il comprit que la sociabilité, notion empruntée, il insistait sur ce point, au folkloriste Fernand Benoît, pouvait être une catégorie utile de la sociologie historique et servir à analyser les processus de républicanisation et de démocratisation de la France. Ce mariage entre l'histoire politique et l'histoire de la sociabilité donna naissance à ses premiers grands travaux, Pénitents et francs-maçons, La République au village, l'un des trois volets de sa grande thèse, auquel il préférait d'ailleurs son livre sur Toulon, une ville ouvrière au temps du socialisme utopique, et Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848. Il rédigea en 1848 ou l'apprentissage de la République pour la collection de la nouvelle histoire contemporaine, de la nouvelle histoire de la France contemporaine, et il livra des analyses fines et perspicaces sur les heurts et malheurs du suffrage universel ou encore sur la répression de l'insurrection ouvrière de juin 1848. Il fut dès lors considéré comme le spécialiste incontesté de la Seconde République. Son apport à l'histoire de la République s'enrichit ultérieurement de ses recherches très novatrices sur la symbolique républicaine, Marianne, dont il expliqua et popularisa la figure, et son rôle dans l'éducation des citoyens, puis par ses travaux sur la Ve République et le général de Gaulle. Pour autant, il récusait l'excès de logique, faisant tourner tous ses travaux autour de l'entité République française. À ses yeux, il s'agissait d'une reconstruction postérieure dans laquelle il ne se reconnaissait pas. Son apport méthodologique, tout autant qu'historiographique, tient en effet aussi à ses multiples curiosités, portant parfois sur de petits faits à partir desquels il pouvait tirer de grandes conclusions. Petits faits qui l'emmenèrent parfois sur des pistes inattendues, par exemple le sang des bêtes, et lui inspirèrent nombre d'articles regroupés dans les trois volumes de son Histoire vagabonde. Il tient aussi à sa capacité de dialoguer en tant qu'historien avec des ethnologues, des historiens d'art, des littéraires et aussi des philosophes, fût-ce pour exprimer ses vifs désaccords avec ces derniers, notamment avec Michel Foucault, pour ce qui avait trait à l'histoire de la prison ou à la loi de 1838 sur l'enfermement des aliénés. Dans ses analyses, Maurice Agulon et ce n'est pas le moindre de ses apports, donnait l'exemple non seulement de la subtilité, mais aussi de la rigueur, de la recherche d'équité et du souci d'expliquer son cheminement d'historien avec une grande lucidité. Tout en refusant d'être un historien partisan ou même engagé, il alliait dans sa personne l'historien et le citoyen et affirma souvent son attachement à la laïcité et à l'Europe. C'était un grand monsieur. Jacqueline Lallouette, merci. Ça donne évidemment envie d'en savoir et d'en dire davantage, ce que je pense nous pourrons faire bientôt. Alors, Jaurès et la guerre, tel est donc notre thème d'aujourd'hui. Gilles Gandard avec Vincent Duclair, qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Il a d'autres tâches, je crois, dans des concours aujourd'hui qu'il fait passer. Vous avez fait une magnifique biographie de Jaurès. C'est une biographie, j'allais dire, synthétique, qui tient compte de tous les travaux, les recherches très nombreuses qui ont été faites depuis quelques années. Peut-être on en reparlera. Et il est impossible, bien entendu, de rendre compte de cette biographie. Mais étant donné l'assassinat de Jaurès, dont on va parler, 1914, j'ai pensé qu'on pouvait privilégier cette axe. Alors, les questions sont au fond assez simples. Jaurès avait-il une pensée, une analyse sur la guerre? En avait-il une sur l'armée? Tout le monde connaît l'armée nouvelle. J'aimerais que de cela vous nous disiez quelques mots. Merci beaucoup, Michel Perrault, de vos propos et puis de votre invitation à parler de ce sujet qui est un sujet complexe. Parce qu'effectivement, on retient le souvenir de Jaurès assassiné à la veille de la guerre, du grand combat pacifiste de Jaurès pour éviter la guerre, et je vais essayer d'en parler un petit peu. Mais il me semble que c'est un sujet sur lequel justement Vincent Duclair insiste particulièrement. En même temps que Jaurès combat la guerre depuis des années, il sait bien que ce risque de guerre peut se réaliser et il réfléchit aussi aux moyens de comprendre la guerre et d'une certaine manière, lui, le pacifiste, l'adversaire de la guerre, de la préparer avec sa réflexion militaire sur l'armée nouvelle. Alors bien sûr, il ne s'agit pas forcément de n'importe quelle guerre, mais Jaurès a aussi une pensée de la guerre et de la défense du pays en cas d'agression. Est-ce que Jaurès était conscient du problème des nationalités? Est-ce que pour lui, la guerre était le fruit du capitalisme? Il l'a dit. Mais est-ce qu'il voyait aussi les autres facteurs que nous voyons bien aujourd'hui? Oui. Jaurès analyse la guerre, on pourrait dire parfois en termes un peu marxistes, avec cette évocation du capitalisme. Dans la citation d'origine, d'ailleurs, il dit « Votre société chaotique et violente », ce qui me paraît plus large que le seul capitalisme, et intéressant à relever. Et justement, il fait souvent le reproche aux marxistes de sous-estimer les facteurs politiques dans l'histoire. Sa conception de l'histoire, vous le savez bien, c'est matérialiste avec Marx, lyrique avec Michelet et héroïque avec Plutarque. Donc, il intègre à la fois une réflexion effectivement des facteurs économiques et sociaux, mais il prend bien en compte aussi les facteurs politiques et facteurs diplomatiques. D'ailleurs, dans son analyse de la guerre de 1870 et du mécanisme qui a entraîné, il insiste essentiellement sur des facteurs politiques et diplomatiques. Et dans sa lutte contre la guerre, il songe à une stratégie, disons, d'empêchement, qui est une stratégie à la fois sociale et politique. Oui. Et sa pensée sur l'armée, l'armée nouvelle, grand texte de Jaurès, montre qu'il avait une pensée sur l'armée. Grosso modo, quelle était cette pensée sur l'armée? Il développe cette pensée sur l'armée qui a parfois choqué d'ailleurs certains de ses amis ou de ses camarades, parce que bon, il y avait une tradition un petit peu de méfiance contre l'armée qui était forte dans le mouvement ouvrier. Le service militaire n'est pas forcément de très bons souvenirs à tout le monde. Mais justement, Jaurès tenait à ce que la France soit prête à réagir en cas d'agression. Et il développe dans cette proposition de loi qui paraît en livre en 1911, l'idée d'une armée qui est tournée vers la défensive, qui est destiné à donner la victoire à une France qui serait agressée et attaquée. Alors, il veut rompre entièrement avec l'armée de caserne, avec la préparation militaire qui donne le pouvoir à une caste d'officiers et qui, disons, casse un petit peu les volontés ou la mentalité, disons, des soldats qui sont mobilisés. Et ce qu'il veut, au contraire, c'est que justement la défense nationale devienne bien l'affaire du peuple, des prolétaires, des paysans, avec une préparation militaire qui commencerait dès l'enfance, avec un encadrement d'officiers qui serait formé à l'université, qui ne serait pas coupé des autres cadres de la nation, des ingénieurs, des avocats ou des professeurs. Donc c'est une réflexion d'ensemble sur la préparation militaire qu'il engage avec ce livre. Peu compris d'ailleurs sur le moment, l'armée nouvelle sera surtout populaire après 1914. Oui, oui. Et le mouvement ouvrier, qui était plutôt de tendance libertaire, n'était pas très emballé par l'armée nouvelle, je pense. Vous avez raison. Il y a du mal, effectivement, à faire passer ses analyses. En plus, c'est un livre assez touffu, important. Donc, la première édition ne semble pas avoir rencontré un très grand succès. Il est davantage diffusé au moment de la lutte contre le service militaire de 3 ans. La fameuse loi de 3 ans. Eh oui, parce que là, le mouvement ouvrier peut comprendre qu'il y a un intérêt à combattre l'armée de caserne au profit d'une autre conception de l'armée. Mais sur le moment, en 1911-1912, il semble bien qu'effectivement Jaurès ait du mal à convaincre même ses camarades de l'intérêt de ses analyses. Et alors l'attitude de Jaurès, justement, vis-à-vis de la fameuse loi de 3 ans, dont vous allez nous rappeler ce qu'elle était. Oui, bien, elle est souvent là aussi mal comprise et utilisée par ses adversaires et même par ses ennemis, qui le présentent comme un antipatriote parce qu'il refuse la prolongation du service militaire à 3 ans. Mais s'il refuse la prolongation du service militaire à 3 ans, ce n'est pas du tout pour désarmer la France, c'est parce qu'il estime que cette prolongation du service rentre dans un mécanisme, disons, de surenchère avec l'Allemagne, en raison aussi du fait que les Allemands regardent l'équilibre des forces en intégrant les Russes et les Français. Les Français veulent regarder uniquement l'équilibre entre Français et Allemands. Et donc, pour Jaurès, c'est s'engager dans une voie à la fois très dangereuse et qui n'est pas adaptée à une guerre possible avec l'Allemagne. De fait, d'ailleurs, en 1914, ce n'est pas seulement l'armée d'active qui fera la bataille de la Marne, c'est bien, disons, l'ensemble de la France mobilisée qui permettra ce rétablissement militaire. Donc Jaurès combat vigoureusement cette prolongation du service militaire et, évidemment, il est accusé par ses adversaires, par les nationalistes, mais pas seulement par eux, y compris par Clemenceau ou par beaucoup d'autres, de ne pas être un bon patriote. Et on sait qu'au moment de l'assassinat, ça jouera un certain rôle dans les motivations des têtes faibles qui iront jusqu'à l'acte. Oui, ce que nous allons revoir tout à l'heure avec Jacqueline Lalouette. Mais alors, au moment de la montée des périls qu'on voit tellement se profiler à l'horizon en 13 et en 14, quelle est la position de Jaurès? Qu'est-ce qu'il fait? La stratégie de Jaurès me paraît à la fois complexe et adapté. Il voit bien la montée des périls. À mon avis, Jaurès, depuis 1904, depuis la guerre russo-japonaise, sait que l'Europe risque de tomber dans la catastrophe de manière assez rapide. Il est conscient tout à fait des problèmes et il développe une stratégie qui me semble comporter 2 volets. Et il faut voir ces 2 volets. Il y a à la fois l'action ouvrière dans le cadre de l'international, qui est évidemment un petit peu son travail particulier. Donc il y a tous les efforts qu'il va faire pour que le socialisme français et le syndicalisme français aussi soient suffisamment en bonne relation pour pouvoir prendre leur part dans l'international et pour que l'international ait une véritable stratégie de lutte contre la guerre. C'est l'histoire des fameuses motions Kerr, Hardy, Vaillant, etc., pour une grève internationale simultanée et préventive contre le danger de guerre. Ce qui va faire d'ailleurs que l'extrême-gauche de cette internationale, des gens comme Rosa Luxembourg ou même Lénine, vont être intéressés par les positions de Jaurès. Mais il faut rappeler aussi que beaucoup de gens dans l'internationale socialiste, les Allemands, les Autrichiens, ne sont pas du tout d'accord avec cette orientation stratégique. Donc là, il y a un effort, je dirais, à la fois ouvrier, on pourrait dire, qui va jusqu'au risque révolutionnaire qui est pris par Jaurès, mais cet effort, pour bien se comprendre, pour bien être compris, Il est évidemment intense, mais il est lié aussi avec l'attention que porte Jaurès aux possibilités de défense de la paix avec les autres forces pacifistes que les forces ouvrières ou socialistes, avec les tenants de l'arbitrage international, dont nous parlerons évidemment tout à l'heure, avec notamment Bertha von Suttner. Et on voit bien que sa stratégie révolutionnaire, elle peut déboucher éventuellement, c'est du moins la menace qui déploie vers une situation révolutionnaire, mais on voit bien que c'est un peu comme une arme de dissuasion. En fait, elle est là surtout pour contraindre les gouvernements à avoir recours à l'arbitrage. Et là, évidemment, il sait bien ce qui est en train de se passer avec les conférences internationales sur l'arbitrage, avec les efforts qui ont lieu en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis d'Amérique aussi. Ils comptent beaucoup sur la démocratie américaine et sur le progressisme américain. Alors, ils n'en parlent pas tellement au début, parce que je dirais que c'est pas sa responsabilité première. Mais il y fait allusion, et de manière de plus en plus positive au fur et à mesure que le temps passe. Au début, ils semblent regarder ça d'un petit peu loin. Et dans les dernières années, il se rend compte que ça peut être quelque chose d'absolument décisif. Il le dit très clairement à la Chambre des députés en 1911, qu'il faut compter aussi sur toutes ces forces libérales, bourgeoises et autres. Et il s'engage très nettement dans un rapprochement avec les Allemands, pas seulement les sociodémocrates, parce que justement les sociodémocrates font un peu blocage au sein de l'international, mais avec les fameuses rencontres interparlementaires de Berle et la rencontre de Bâle, pour qu'il y ait une action conjointe qui ne soit pas seulement celle des socialistes, mais aussi des radicaux et des modérés, je dirais, en France, et chez les Allemands, des libéraux, des gens comme Konrad Hausmann, des démocrates progressistes, et même du Zentrum. Et ce qui est poignant, c'est qu'au printemps 1914, il peut penser avoir quasiment réussi, puisque la dernière rencontre de Bâle, qui est juste quelques semaines avant Sarajevo, eh bien, effectivement, un comité est en place avec d'autres forces politiques françaises, hein, d'Estournel, de Constant, et chez les Allemands, avec pour la première fois des représentants du Zentrum. Donc, c'est une stratégie assez, je dirais, assez élaborée, fine, complexe, et qui, me semble-t-il, au printemps de 1914, n'est pas loin du tout de la réussite. Mais malheureusement, effectivement, les choses vont aller trop vite. Et cette stratégie pacifique à plusieurs niveaux ne va pas être assez solide au moment de la catastrophe finale. Oui. Vous venez de nous montrer, Gilles Gandard, de manière très claire, la position de ce Jaurès à la fois réaliste et internationaliste. Vraiment, très belle évocation. Vous êtes président de la Société d'études jaurésiennes, ce n'est pas pour rien. Et nous allons entendre le dernier discours de Jaurès, le dernier discours sur le sol français. Jean-Pierre Leroux va nous lire ce discours. Citoyens, je veux vous dire ce soir que jamais, depuis 40 ans, l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole. Oh, citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau. Je ne veux pas dire que la rupture diplomatique dont nous avons eu la nouvelle il y a une demi-heure entre l'Autriche et la Serbie signifie nécessairement qu'une guerre entre Autriche et Serbie va éclater. Et je ne dis pas que si la guerre éclate entre la Serbie et l'Autriche, le conflit s'étendra nécessairement au reste de l'Europe. Mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes, à l'heure actuelle, des chances terribles et contre lesquelles il faudra que les prolétaires de l'Europe tentent les efforts de solidarité suprême qu'ils pourront tenter. Chaque peuple paraît à travers les rues de l'Europe avec sa petite torche. Et maintenant voilà l'incendie. Eh bien, citoyens, nous avons notre part de responsabilité, mais elle ne cache pas la responsabilité des autres. Et nous avons le droit et le devoir de dénoncer d'une part la sournoiserie et la brutalité de la diplomatie allemande, d'autre part la duplicité de la diplomatie russe. La politique coloniale de la France, la politique sournoise de la Russie et la volonté brutale de l'Autriche ont contribué à créer l'état de choses horrible où nous sommes. L'Europe se débat comme dans un cauchemar. Eh bien, citoyens, dans l'obscurité qui nous environne, dans l'incertitude profonde où nous sommes de ce que sera demain, je ne veux prononcer aucune parole téméraire. J'espère encore malgré tout qu'en raison même de l'énormité du désastre dont nous sommes menacés, à la dernière minute, les gouvernements se ressaisiront et que nous n'aurons pas à frémir d'horreur à la pensée du désastre qu'entraînerait aujourd'hui pour les hommes une guerre européenne. Vous avez vu la guerre des Balkans. Une armée presque entière a succombé, soit sur le champ de bataille, soit dans les lits d'hôpitaux. Une armée est partie à un chiffre de 300 000 hommes. Elle laisse dans la terre des champs de bataille, dans les fossés des chemins ou dans des lits d'hôpitaux infectés par le typhus, 100 000 hommes sur 300 000. Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe. Ce ne serait plus comme dans les Balkans une armée de 300 000 hommes, mais 4, 5 et 6 armées de 2 millions d'hommes. Quel désastre, quel massacre, quelle ruine, quelle barbarie. Et voilà pourquoi, quand la nuée de l'orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je veux espérer que le crime ne sera pas consommé. Citoyens, si la tempête éclatait, tous, nous, socialistes, nous aurons le souci de nous sauver le plus tôt possible du crime que les dirigeants auront commis. Et, en attendant, s'il nous reste quelque chose, s'il nous reste quelques heures, nous redoublerons d'efforts pour prévenir la catastrophe. Quoi qu'il en soit, citoyens, et je dis ces choses avec une sorte de désespoir, il n'y a plus, au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie, qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation. C'est que le prolétariat rassemble toutes ces forces qui comptent un grand nombre de frères et que tous les prolétaires français, anglais, allemands, italiens, russes, et nous demandons à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. J'aurais honte de moi-même, citoyen, s'il y avait parmi vous un seul qui pouvait croire que je cherche à tourner au profit d'une victoire électorale, si précieuse qu'elle puisse être, le drame des événements. Mais j'ai le droit de vous dire que c'est notre devoir, à nous, à vous tous, de ne pas négliger une seule occasion de montrer que vous êtes avec ce Parti socialiste international qui représente à cette heure, sous l'orage, la seule promesse d'une possibilité de paix ou d'un rétablissement de la paix. Magnifique discours, angoissant au possible, prononcé par Jaurès le 25 juillet 1914, oui. C'est-à-dire 6 jours avant sa mort, son assassinat. Jacqueline Lallouette, vous connaissez bien ce discours que vous avez étudié. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Alors, Jean Jaurès s'était rendu à Vez, donc qui était alors dans le 5e arrondissement de Lyon, à la demande de Marius Moutet, qu'il connaissait depuis très longtemps, parce qu'une élection législative partielle, d'où l'allusion à la victoire électorale que fait Jaurès, une élection législative partielle devait être organisée à la suite du décès du député qui avait été élu lors des élections législatives de 1910, pour cette circonscription, Johannes Jules Marieton, qui était décédé à la fin du mois de mai. Il avait été inhumé le 30 mai. Et donc, il fallait organiser une partielle, et le candidat désigné est Marius Moutet, qui sera ensuite un très grand nom de la République et bien connu pour ses combats relatifs au statut des indigènes dans les colonies. Donc, Marius Moutet demande à Jaurès de venir le soutenir et Jaurès acquiesce et vient en effet. Quand il vient, quand il arrive à Lyon, on vient d'apprendre la rupture des relations diplomatiques de l'Autriche-Hongrie avec la Serbie. L'ultimatum était de 2 jours antérieurs et malgré l'accord donné par la Serbie à 8 des 10 revendications absolument exorbitantes de l'Autriche-Hongrie, l'Autriche-Hongrie rompt ses relations diplomatiques. Et là, la situation commence à devenir vraiment très, très très très grave. Donc, Jaurès, après avoir rendu hommage à Marieton, après avoir parlé de la valeur intellectuelle, de la valeur morale de Marius Moutet, fait allusion au débat qui avait eu la veille à la Chambre et qui portait sur un déficit financier d'un milliard. Et Jaurès disait que ce déficit était dû en partie au surarmement constant, en disant, et ce surarmement, cette politique de surarmement, ce n'est même pas une garantie de nous défendre contre tous les dangers de la guerre. Et c'est là qu'il embraye, si je puis dire, sur la situation internationale qui lui paraît, lui qui était par ailleurs toujours si plein d'espoir et si optimiste, il parle là, comme il le dit lui-même, avec une sorte de désespoir parce que la situation lui paraît vraiment trop dangereuse. Alors, ce qu'il fait dans ce discours, dont Jean-Pierre Leroux nous a lu de larges extraits, c'est d'analyser d'abord la situation et d'évoquer le jeu des alliances qui risque justement de précipiter la catastrophe, ce qui lie la Serbie à la Russie, ce qui lie la Russie à la France, ce qui lie l'Autriche-Hongrie à l'Allemagne, etc. Le sinistre jeu de domino. Voilà, oui. Donc ce jeu de domino, en effet, avec toutes les conséquences désastreuses possibles. Ensuite, il analyse les responsabilités des uns et des autres. Et parmi les responsabilités, il dénonce, il remonte assez tard, là cet extrait n'a pas été lu, il remonte jusqu'aux conséquences de la guerre russo-turque de 1876-1877, qui a vu se former le royaume bulgare, l'État de Bulgarie, auquel la Russie tenait parce que c'était une sorte de pion qu'elle pouvait mettre en jeu pour son influence dans les Balkans. Donc, la formation du royaume bulgare, mais aussi l'administration de la Bosnie-Herzégovine confiée à l'Autriche et que la Russie accepte en échange de cette espèce de complicité pour la formation d'un royaume bulgare. Ensuite, il redescend en 1908, année où l'Autriche-Hongrie a annexé la Bosnie-Herzégovine. Suivi du silence de la Russie, qui n'a rien dit, en escomptant que son silence lui vaudrait, avec la complicité de l'Autriche-Hongrie, un débouché sur la mer Noire. Ce qui n'a pas eu lieu, d'où la rancœur russe contre l'Autriche-Hongrie, la rancœur d'Izvolsky contre von Herenthal. Voilà ses responsabilités russes et autrichiennes. Qu'il dénonce vivement dans le discours de Vèze. Et ensuite, il dénonce les responsabilités de la France en disant « Et la France, qu'a-t-elle fait ? Rien. Et pourquoi n'a-t-elle rien fait ? Parce qu'elle ne pouvait rien faire. Elle n'avait pas de leçon de morale internationale à donner à quiconque parce que sa politique marocaine, cynique et intéressée, lui interdisait de donner la moindre leçon à un autre pays, que ce soit à l'Autriche-Hongrie, à la Russie ou encore à l'Italie avec son expédition dans la Tripolitaine. Donc c'est tout cela qu'il dénonce et il dit bien, ça a été lu, que finalement la situation dans laquelle on se trouve maintenant n'est que le fruit de la politique coloniale de la France, de la politique sournoise de la Russie et de la volonté brutale de l'Autriche. Et là, il se demande ce qu'on peut faire pour empêcher la catastrophe. Il évoque les horreurs de la guerre à propos des deux guerres des Balkans. Il parle de la mortalité due aux blessures, aux blessés non soignés, aux blessés qu'on trouve dans les fossés le long des chemins, aux blessés qui meurent du typhus dans les hôpitaux. Jean Jaurès semble avoir une sensibilité particulière au typhus et à mon sens, Gilles me dira peut-être, il a une sensibilité au typhus qui me semble remonter à son histoire familiale et à la guerre de Crimée, puisqu'un de ses oncles était mort du typhus pendant le siège de Sébastopol. Il parle souvent du typhus. Bien, donc il évoque toutes ces horreurs et en disant, et si la guerre éclate au niveau européen, ça ne sera donc pas à partir d'une armée de 300 000 hommes, mais 4, 5, 6 armées de 2 millions d'hommes. Donc, un désastre absolument épouvantable. Et là, donc, il en appelle notamment aux prolétaires. Alors, ce discours peut être analysé de manière très intéressante à partir de l'utilisation à laquelle il a donné lieu. Parce que ce discours n'a pas été publié avec l'aval de Jaurès. Il a été reconstitué après coup sur les notes, à partir des notes de Marius Moutet, et publié dans un journal lyonnais, L'Avenir socialiste, du 1er au 7 août 1914. Ensuite, il est reproduit dans une biographie de Jaurès par Charles Rapoport au printemps 1915, et tous les minoritaires de guerre à la suite vont s'appuyer sur ce discours de Vèze pour dire que Jaurès aurait condamné la guerre, alors que les majoritaires de guerre partisans de l'Union sacrée, eux, vont laisser ce discours de côté. Et non seulement vont le laisser de côté, mais certains partisans de la guerre, comme le radical Paul Hyacinthe Loison, le fils de Hyacinthe Loison, vont dénier l'authenticité, la véracité de ce discours pour dire, Loison le dit très bien, dès 1916, dans « Êtes-vous neutre devant le crime de guerre ?», puis il le redit ensuite dans un journal en 1918, ce discours, Jaurès ne l'a pas lu, il ne l'aurait pas accepté, et Loison va même jusqu'à dire, Jaurès, s'il avait relu ce discours, aurait complété son allégorie sur les peuples qui marchent une torche à la main, en ajoutant ceci, donc tous les peuples courent une torche à la main, tous l'ont éteinte, cette torche, or, un seul, le peuple allemand, qui brandit la sienne dans la rafale, salua le désastre comme un triomphe et mit l'incendie à la cité. Voilà ce que dit Loison, qui détourne complètement donc, le sens de ce discours de Vèze. Gilles Candard, sur ce point, vous, le biographe que vous êtes, que dites-vous ? Moi, je crois que le discours de Vèze, ce qu'il faut en tenir, c'est qu'il n'exempte pas la France de ses responsabilités. Absolument. C'est le grand élément de scandale. Oui. Et effectivement, comme Jacqueline vient de le rappeler, quand le texte est connu, disons, nationalement, au moins dans le monde socialiste en 1915, c'est ce qui fait débat. C'est que la France ne serait pas sans faute, sans tâche, et qu'on peut donc discuter du mécanisme qui a conduit à la guerre, et minoritaire et majoritaire s'opposent tout à fait à ce sujet. Et quand on me demande, évidemment, on ne peut pas faire trop d'uchronie, mais sur quelques heures, c'est peut-être possible. Donc quand on me demande, souvent, ce qu'aurait été le contenu du fameux article décisif de Jaurès qui se serait mis à écrire lorsque, pour paraître dans l'Humanité du 1er août, il n'avait pas été assassiné à 21h40. On dit toujours qu'il aurait dégagé la responsabilité du socialisme. À mon avis, effectivement, il y a fort à parier pour que son article aurait en tout cas eu toute une partie qui aurait rappelé le discours de Vèze et les responsabilités internationales des différents pays, du capitalisme sans doute en général, mais aussi des responsabilités françaises. Oui, puisqu'on a même dit que ce discours aurait été une sorte de j'accuse appliqué aux relations internationales. On l'a dit. Et avec, à mon avis, comme Jaurès essaie toujours d'aller vers l'avenir, peut-être une note d'espoir avec un recours à une médiation du libéralisme anglais ou de la démocratie américaine avec du président Wilson, puisque c'était lui qui était président à ce moment-là. Enfin, un discours essentiel, vraiment très important. Mais Jaurès est assassiné le 31 juillet à 21h40, comme l'a dit Gilles. Cet assassinat, Jacqueline Lalouette, vous venez de l'étudier dans un livre, Jean Jaurès, l'assassinat, la gloire, le souvenir, qui vient de paraître chez Perrin. Rappelez-nous le scénario, mais surtout les effets. Hein, qu'est-ce qui s'est passé après ? Enfin, tout le monde sait que c'est Vilain qui a assassiné Jaurès, mais pourquoi ? Est-ce que Jaurès était menacé ? Est-ce que, au moment où il prend ce dîner, est-ce qu'on pensait que Jaurès était menacé ? Est-ce qu'il était défendu ? Alors, Jean Jaurès recevait, ou du moins, il y avait des lettres de menace de mort qui arrivaient effectivement, ça a été dit à plusieurs reprises lors du procès, ça a été rappelé par le dessinateur Gassier, ça a été rappelé par Renaud Dell, il y avait donc des lettres de menace qui arrivaient à l'Humanité, et par ailleurs, il y avait dans la presse des propos extrêmement haineux contre Jaurès, contre le supposé anti l'antipatriotisme de Jaurès. On peut citer des phrases de Maurras, on peut citer des phrases d'Urbain Goyer ou de Charles Péguy. Pour ma part, j'ai tendance à penser que les caricatures contre Jaurès, notamment celle de Styra, mais également celle de Forain, étaient peut-être plus percutantes et plus efficaces, si l'on ose dire, que ces phrases qui sont quand même perdues dans des journaux qui n'étaient pas des journaux à très grand tirage et dans lesquels il faut parfois, je me souviens avoir mis plus de 20 minutes pour trouver une phrase dans l'Action française appelant Jaurès à être pris de tremblement. Donc les caricatures, les propos dans la presse, les lettres de menace. Donc, il y avait un climat hostile à Jaurès. Jaurès se savait menacé, il l'avait d'ailleurs dit à plusieurs reprises. Et Renaudel, lors du procès, a convenu qu'ils avaient, lui et ses camarades socialistes, cherché à protéger Jaurès pendant un certain nombre de jours, puis que le temps passant, on y faisait moins attention. Et il faut dire que ce jour fatidique du 31 juillet 1914, ils n'y ont vraiment pas fait du tout attention, puisque Jean Jaurès était assis au café du Croissant, une partie de son dos contre le mur et une partie contre la vitre, dont la fenêtre était ouverte. Il n'y avait qu'un léger store, un brise-bise qui le séparait de la rue. Donc là, il y avait ce qu'on peut considérer maintenant comme une négligence absolument invraisemblable, en effet. Jacqueline Lallouette, qui était l'assassin ? Alors, Raoul Villain était un homme qui était dans sa 29e année, qui venait d'une famille bourgeoise. Son père était greffier en chef du tribunal civil de Reims, mais c'était un homme profondément perturbé. Sa grand-mère paternelle était une aliénée, une délirante mystique, qui vivait à la maison. Il avait vécu avec elle toute sa vie et elle venait de mourir peu auparavant. On l'avait enterrée à Reims le 24 juillet, ce n'est pas totalement anodin. Et sa mère était également une grande malade, une grande aliénée. Elle avait été internée une première fois en 87, une deuxième en 89. Elle est morte à l'hospice d'aliénés de Châlons en 1927. Donc une femme d'une malade mentale profonde. Et les médecins, les experts qui ont examiné Villain ont bien mis en lumière cette double psychopathie, enfin ce qu'ils ont appelé une psychopathie convergente. Donc non seulement il y avait cette hérédité lourde, en outre, Raoul Villain avait été atteint par une fièvre typhoïde qui à l'époque était mal soignée, laissait souvent des séquelles nerveuses, intellectuelles, psychiques. C'était le cas de Villain précisément. Il avait souffert dans son éducation d'un climat familial particulier. Et par ailleurs, il s'était engagé au Sillon. Dès 1904, il avait été membre du Sillon, donc la démocratie chrétienne de Sandier. Oui, qui n'est pas spécialement meurtrier, hein, le Sillon. Pas du tout. Mais le Sillon ayant été condamné en 1910, là, une grande rupture s'était introduite dans la vie de Villain. Et je considère qu'à partir de 1910, le seul lien qui pouvait retenir Villain, l'encadrer, lui donner des balises, des affections, des points de repère, avait lâché. Et il est parti en quelque sorte à la dérive. Et à la fin de l'année 1913 ou au début de l'année 1914, il adhère à un mouvement qui s'appelle la Ligue des Jeunes Amis de l'Alsace-Lorraine. Qui est plutôt assez revanchard, alors, effectivement. Qui était plutôt revanchard, mais dans le comité de parrainage, il y avait aussi des républicains particulièrement honorables. Et j'ai repéré un certain nombre de gens dont le sens républicain n'était pas indéniable. Donc, je pense que Raoul Villain s'est en partie fait son film tout seul. Il avait été très marqué par les débats autour de la loi de 3 ans. Bien qu'il ait dit qu'il ne lisait pas quotidiennement la presse, à coup sûr, il n'était pas membre de l'Action française. Ça, on n'a absolument pas pu montrer ça. Enfin, on a pu montrer qu'il n'en était pas membre. Mais il a brodé autour de la loi des 3 ans et brodé autour d'une obsession relative à l'Alsace-Lorraine. Ces deux filles orphelines de la France qu'il fallait retrouver. Et l'idée que Jaurès puisse s'opposer à la récupération de l'Alsace-Lorraine, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais Jaurès pensait que l'Alsace-Lorraine devait revenir dans le sein de la France par un autre biais que le biais de la guerre. Bien sûr, ça, Raoul Villain ne le savait pas, ne l'avait pas compris. Et n'en tenait aucun compte, bien sûr. Il était mu par une espèce de haine de l'Allemagne par ailleurs. Mais vous savez, Jacqueline Lallouette, tout ce que vous dites me fait penser à des analyses de Laure Murat, qui a publié il n'y a pas très longtemps un livre sur la folie et la politique. Et très souvent, des formes de folie s'approprient les revendications politiques d'une époque. Et moi, j'ai l'impression que Raoul Villain est un petit peu dans cet ordre-là. Mais écoute... Jaurès est assassiné, il y a un procès seulement en 1919, oui. Pour des raisons que l'on comprend, et il est acquitté. Que l'on comprend pas complètement. Pas complètement, oui. Et vous voulez dire, rapidement ? Ben, je veux dire que c'est quand même très étonnant que chaque président du Conseil, entre 1915, puisqu'il aurait dû être jugé en 1915, que de 1915 à 1919, tous les présidents du Conseil, de session de cour d'assises en session de cour d'assises, aient ordonné au procureur de la République d'ordonner à son tour au président de la cour d'assises de la Seine de différer le procès. Ça pouvait à la limite se comprendre en 1915 et 1916, mais ça a quand même beaucoup traîné. Oui. Il faut d'ailleurs remarquer que la Ligue des droits de l'homme elle-même et Séverine, qui était une grande amie de Jaurès, ont condamné cet atermoiement constant et ont d'ailleurs estimé que Raoul Villain était victime d'un déni de ses droits. Ni la Ligue ni Séverine n'attendaient qu'il soit acquitté, bien évidemment, mais ont estimé qu'on lui faisait tort en le gardant incarcéré dans des situations particulières. Alors, Jaurès, au fond, première victime de la guerre, hein, l'a dit beaucoup, et la gloire de Jaurès va se développer beaucoup, combien, en prenant appui en partie sur cet assassinat. Vous montrez dans votre livre comment s'est développée la gloire, la mémoire, avec toutes sortes... Bon, impossible d'entrer dans tous les détails de tout ce que vous décrivez longuement. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à propos de cette gloire et de sa construction ? Je reprendrai volontiers un propos du député de la Nièvre, Jean Loquin, qui, à la Chambre, a donné le rapport sur le projet de panthéonisation de Jaurès et qui a prononcé cette phrase... Jaurès, en entrant dans la mort, est entré dans l'histoire. Je trouve que c'est une très belle phrase et qui rend compte, me semble-t-il, du processus. Le fait, d'une manière générale, le fait qu'un homme public arrivait déjà à un certain niveau de notoriété ou un niveau certain, ce qui était le cas de Jean Jaurès, bien évidemment, soit assassiné, produit un effet... de glorification. On l'avait bien vu antérieurement avec Sadi Carnot, qui était un homme assez neutre, enfin assez falot d'une certaine manière, mais son assassinat l'a aussi précipité dans la gloire. Donc avec Jean Jaurès, c'est un phénomène qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus important. Donc il est assassiné et il apparaît effectivement comme l'apôtre de la paix, le martyr de la paix, la première victime de la guerre. Et bien évidemment, ça fait beaucoup dans le climat de 1914 pour lancer, si je puis employer cet horrible terme, sa gloire. Et l'idée qu'il fallait transférer ses cendres au Panthéon a été émise d'ailleurs, mais de manière très marginale et peu entendu, dès les lendemains de sa mort. Ça a été fait quand ? Alors, la panthéonisation, elle date du 23 novembre 1924. Oui. Et c'est grâce au cartel... 10 ans plus tard. Et c'est grâce au cartel des gauches que cette translation des cendres du cimetière des Planques à Albi jusqu'au Panthéon a pu avoir lieu. Dans un climat d'ailleurs très particulier, puisque à l'époque, il y avait déjà la dispute entre socialistes et communistes autour de Jaurès, et que les communistes qui se sont abstenus à la Chambre lors du vote sur le projet de panthéonisation, une fois que cette manifestation a eu lieu, n'ont pas voulu en laisser tout le bénéfice aux radicaux et aux socialistes. Donc il y a eu cette immense manifestation de gloire qui a eu lieu dans Paris, puisque le corps de Jaurès, les restes de Jaurès ont d'abord été amenés à la Chambre des députés, puis emmenés au Panthéon, donc avec un climat de commémoration extrêmement glorieuse, avec des hymnes, des chants, etc. Donc, les communistes n'ont pas voulu laisser le bénéfice de cette manifestation aux radicaux et aux socialistes, et ont fait une sorte de contre-manifestation très organisée, avec une multitude de drapeaux rouges, de slogans, mais de qui était une forme de commémoration importante. Oui. Ce que vous montrez très bien, Jacqueline, dans votre Jacqueline Lalouette, dans votre livre, c'est que Jaurès devient progressivement un patrimoine national. Alors, ce que vous analysez beaucoup, c'est la toponymie, les rues, les places, les écoles, les sociétés, dont la Société d'études jaurésiennes, bien sûr, les travaux, dont la biographie de Gilles Candard et de Vincent Duclerc est un témoin final, au fond, hein, actuel. Ah, surtout pas final. Pas final, mais actuel. Bon. Et on voit que dans le discours politique, il est revendiqué par tous. Hein. Alors, par la droite, récemment, Sarkozy se revendiquait de Jaurès. Hein. Bon, la gauche, évidemment, c'est son patrimoine à elle. Et que Carmaux est un lieu un peu nécessaire de pèlerinage, par exemple, pour les présidents de la République. Mitterrand y a été, et récemment, François Hollande y a été avec les risques que l'on sait. Mais c'est très impressionnant, cette espèce de gloire de Jaurès. Hein. Alors, deux mots, parce que nous allons quitter Jaurès. Oui. Eh bien, oui, effectivement, il y a eu une patrimonialisation de Jaurès, de son image, de son souvenir, de sa mémoire, qui s'est élaborée quand même assez lentement. Assez lentement, parce oui. que moi, je daterais l'appropriation de la mémoire de Jaurès par la droite du discours du général de Gaulle à Carmaux. À Carmaux, en 1960. Pour l'extrême droite, c'est beaucoup plus récent, parce que non seulement il y a eu la droite, ensuite il y a eu l'extrême droite, et je crois que la première grande manifestation qui a fait un scandale date de Louis Alliot en 2009, lors des élections européennes, lorsque Louis Alliot a fait placarder, y compris et même en premier lieu dans les rues de Carmaux, une affiche qui n'était pas rouge, mais dans des tons rose fuchsia soutenus, avec un portrait de Jaurès et une citation de Jaurès que personne, pas même Gilles Candard, ne peut authentifier, à savoir « À celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien ». Et en dessous, il y avait... Pardon ? C'est de Blanqui. C'est de Blanqui, en fait. Moi, je n'avais pas pu... Cette phrase est de Blanqui. Et donc, sous le portrait de Jaurès, il y avait « Voter Front National » et « Si Jean Jaurès vivait maintenant, il voterait Front National ». Donc, ce slogan a fait bien sûr scandale. Et cette appropriation de la mémoire de Jaurès par l'extrême droite a encore lieu. On l'a vu avec Hénin Beaumont et Steve Briouat récemment. Alors on peut poser la question, mais est-ce que tout le monde, on en a parlé avec Gilles, est-ce que tout le monde a le droit d'utiliser Jaurès et de se revendiquer de Jaurès? Gilles m'avait répondu, mais personne n'est propriétaire de Jaurès. Seulement, et il a raison, et je pense que Gilles est d'accord avec moi, tout le monde peut utiliser Jaurès, mais à condition de respecter sa pensée et de ne pas lui prêter des engagements qui n'auraient jamais été les siens, bien sûr. Gilles Candard, à cet égard, que voulez-vous dire? Vous avez envie de réagir là-dessus? Jaurès, dès 1914, hein, est l'objet parfois de tiraillements. Donc, effectivement, d'abord chez les siens, puis de manière de plus en plus large. Je crois que Jaurès appartient à la nation, et c'est très bien que les gens lisent Jaurès de toutes parts, mais à condition, effectivement, d'aller vers Jaurès, à condition, effectivement, de tenir compte... D'aller vers le vrai Jaurès. De ce qu'il dit, de ce qu'il pense, et d'essayer tout de même de trouver de vrais rapprochements avec sa pensée, de se jauréciser un peu. Là, c'est utile. Si c'est juste pour faire, disons, des effets de manche ou des astuces, ça n'ira pas très loin. Et des confiscations électorales qui marchent. D'accord. Oh, est-ce qu'elle marche? Hénin Beaumont nous pose question. En tout cas, c'est votre livre montre bien, et la discussion que nous avons maintenant, enfin l'échange que nous avons maintenant, montre bien la stature de Jaurès dans la nation. C'est très très important. Marie-Claire Hoogdemarle, Bertha von Suttner. Alors, qui était-elle? Vous venez de lui consacrer un livre qui vient de paraître aux éditions du Septentrion, Bertha von Suttner, 1843-1914, Amazone de la paix. Hein, et là, nous rejoignons tout à fait l'échange que venons d'avoir. Qui était-elle? Oui, alors Amazone de la paix, c'est le terme que lui décerne Alfred Nobel, qui dit qu'il viendra saluer la main de l'Amazone, de cette main d'Amazone qui fait si vaillamment la guerre à la guerre. Ce qui quand même est un peu paradoxal, puisque Alfred Nobel est le père de le roi de la dynamite. Et que Bertha von Suttner est la Friedensbertha, c'est-à-dire l'icône de la paix, qu'elle est devenue d'ailleurs difficilement jusqu'en 1914, puisqu'elle meurt en 1914, le 21 juin 1914. Et justement, en écoutant ce discours de Vèze, j'étais frappée par deux choses. D'une part, la proximité du discours dans le style avec certains écrits de Bertha von Suttner, qu'elle appelait d'ailleurs ses écrits de propagande, parce qu'elle est écrivaine d'un côté, mais elle a écrit beaucoup de pamphlets, de textes, d'articles, qu'elle appelle elle-même ses travaux de propagande. Et il y en a un qui s'appelle par exemple « Ça brûle ». Donc, il y a l'incendie dans le discours de Vèze. La torche. Que, de plus, Bertha von Suttner ne pouvait pas connaître, puisqu'il a été prononcé après sa mort. Mais en même temps, il y a dans ce discours de Vèze une description des ravages de la guerre, en particulier ravages sur les populations civiles. Or, c'est exactement le style de son roman, qui fut le best-seller de la fin du XIXe siècle, qui s'appelle « À bas les armes » et qui retrace une espèce de chronologie de la guerre entre 1859, c'est-à-dire la guerre dans le nord de l'Italie des Autrichiens contre les Italiens, reprend ensuite la guerre entre l'Autriche et la Prusse avec le fameux Sadova, et se termine sur la guerre de 71. C'est une chronologie de la guerre où elle montre très très bien l'évolution que prend la guerre. En quelque sorte, la guerre qu'elle commence à connaître dans son adolescence, elle ne s'intéresse pas à la guerre. Mais à la suite de circonstances diverses, elle s'intéresse à la guerre et elle passe en quelque sorte de la guerre telle qu'elle était pratiquée au début du 19e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle, un peu sous la formule de Clausewitz, c'est-à-dire la politique, mais avec continuation de la politique, mais avec d'autres moyens, dont les femmes sont évidemment exclues totalement, et elle le montre. Comment, en particulier en 71, la guerre devient une guerre où ce sont les peuples eux-mêmes qui... Alors, elle commence à employer le terme de « en masse ». Et ce livre va avoir un succès foudroyant. Il est aussi scandaleux parce qu'une femme... aristocrate de surcroît, écrit sur la guerre, pas simplement comme femme de soldat, ce qu'elle est effectivement dans le texte, mais comme quelqu'un qui va s'aventurer au-delà du front pour voir vraiment les réalités de la guerre et les dénoncer. Et donc, il y a ces deux aspects qui me frappent en rapport avec ce discours de Vèze, qui montre quand même que ce livre et l'action même de Bertha von Suttner ont eu, je pense, une influence très très grande, puisque quand même Zola a célébré le livre. Zola, oui. Il y a une correspondance, et surtout Tolstoï qui lui écrit immédiatement des réceptions de l'ouvrage en comparant À bas les armes à La case de l'oncle Tom, et en disant c'est un livre Harriet Beecher Stowe a mis fin à l'esclavage par son livre. Vous, j'espère que cela empêchera la guerre. Oui. Alors, c'est ce destin de femme aristocrate viennoise, militante pour la paix, est tout à fait intéressant. En dehors de ce livre fameux, quelles ont été ses actions pour la paix? Alors, elle participait à beaucoup d'organisations, de congrès, me semble-t-il. Tout à fait. Oui. Alors, c'est justement aussi un aspect intéressant du personnage, parce que c'est pour l'histoire des femmes, je dirais d'une certaine manière, parce qu'elle ne va pas rejoindre des mouvements, ni pas non plus les mouvements de femmes, par exemple les mouvements féministes de l'époque, pas les partis, mais elle va agir en créant des associations pour la paix. Alors, elle va créer la première en Autriche, à Vienne. Ensuite, elle va aider à la construction de ces sociétés pour la paix à Berlin, à Budapest, en fait, dans l'Europe entière. Elle va par ailleurs participer à tous les congrès pour la paix, qui sont les congrès universels pour la paix, qui reprennent. Il y en a eu le fameux, le plus connu, en 1848-49, à Paris, où Victor Hugo a fait ses flamboyants discours, qu'elle connaît très bien d'ailleurs. Et il y a eu une période où les congrès pour la paix disparaissent un peu, s'effilochent, disons, et cela reprend en 1888-89, au moment où paraît d'ailleurs abat les armes, et il y aura une succession de congrès universels pour la paix auxquels elle va participer, pratiquement à tous. Mais participer, d'ailleurs elle le décrit un peu, elle-même un peu amusée, elle apprend à participer à des congrès publics, à parler à la tribune, à faire des propositions. Oui. Par la tribune, elle apprend la parole publique. Absolument. Ce que les femmes elle montre ne faisaient pas toujours. Absolument. Elle montre d'ailleurs à la fois combien c'est difficile pour elle, et en même temps, sur le Capitole. La première fois, c'est sur le Capitole, alors évidemment. Mais elle rappelle aussi que les journalistes sont extrêmement, disons presque méfiants vis-à-vis de ces femmes qui prennent la parole en public, puisque les journaux de l'époque disent ce n'est pas la première fois qu'une femme prend la parole dans un congrès public. Autrefois, il y a eu les oies du Capitole ont déjà cancané. Donc, ça donne une idée à peu près de la façon dont on percevait cette aventure qu'était la parole en public. Elle était très liée à Stéphane Zweig, par ailleurs, qui a compris assez bien son action, et tout en le C'est pas la même génération, bien entendu, mais ils étaient compatriotes, oui. Tous deux autrichiens, oui. Ils étaient tous deux viennois, et d'ailleurs, c'est Stefan Zweig qui, dans ses souvenirs d'un Européen, rappelle qu'il a rencontré Bertha von Suttner juste avant sa mort, c'est-à-dire en avril 1914, il y a 100 ans, et sur un trottoir de Vienne, et que elle qui avait, dit-il, la voix si posée, si douce, était complètement énervée, et l'a apostrophée à un moment en lui disant « Pourquoi ne faites-vous rien, vous les jeunes ? C'est vous, avant tout, que cela concerne. Défendez-vous, rassemblez-vous, ne nous laissez pas toujours tout faire, nous, les quelques vieilles femmes que personne n'écoute, la machine est en marche. » Elle dit ça en avril 14. En avril 14. C'est d'ailleurs elle qui a inventé, entre guillemets, le terme de Weltkrieg, c'est-à-dire de guerre mondiale. C'est vraiment bien, Marie-Claire Hoogdemarle, que vous ayez fait ce livre sur cette Amazone de la paix, qui vient donc de paraître aux éditions du Septentrion, qui mérite qu'on en parle davantage, bien entendu. Mais nous en resterons à ces paroles de Bertha, qui sont évidemment très belles. Ce lundi de l'histoire vous était présenté par Michel Perrault, avec Gilles Candard pour le livre qu'il a publié avec Vincent Duclerc, Jean Jaurès, paru chez Fayard, avec Jacqueline Lalouette pour Jean Jaurès, L'assassinat, la gloire, le souvenir, qui vient de paraître chez Perrin, et pour le livre de Marie-Claire Hugues de Marle, Bertha von Suttner, qui vient de paraître aux éditions du Septentrion. Texte lu par Jean-Pierre Leroux, la prise de son assurée par Philippe Palarès et la réalisation par Ghislaine David. Et dans quelques instants, c'est pas la peine de crier, par Marie Richeux.